بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخطبة d'aujourd'hui traite des recommandations de la religion et comment doit être le musulman. Louange à Allah qui s'est distingué par le règne, la grandeur, la puissance et l'éternité. Il est le Dieu unique. Il n'y a de divinité que lui. Il est l'éternel, l'omnipotent. Nous le louons et nous ne vénérons que lui. Nous le remercions et nous n'implorons l'aide de personne que lui. Nous témoignons qu'il n'y a que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Serviteurs d'Allah, votre Dieu est celui qui a créé l'homme d'un embryon. Puis, il lui a prescrit son destin et sa subsistance. Sa parole et son jugement sont justice. Et c'est vers lui que nous serons de retour. Alors, soit le repentir, soit le châtiment. Serviteurs d'Allah, évitez à vos yeux de regarder l'illicite et à vos oreilles d'écouter les mauvaises paroles. Purifiez vos langues du mensonge, de la médisance et des insultes. Faites en sorte que vos cœurs soient purs, car ils sont le lieu qu'Allah, le Tout-Puissant, regarde. Serviteurs d'Allah, l'islam ne se limite pas au jeûne, à la prière, au pèlerinage et à la zakat. Il est tout cela, en plus de s'abstenir de tout ce que Allah a interdit et de méditer et de suivre les recommandations du Coran et de la Sunna. Le musulman est celui dont les musulmans échappent à la langue et à la main. Et le muhajir, le migrant, et celui qui a abandonné tout ce que Allah a interdit. Est-il concevable qu'un musulman qui croit en Allah et à son livre puisse mentir, porter atteinte à l'honneur de ses frères et de ses amis? Est-il concevable qu'il pollue sa langue en insultant les autres, qu'il salisse son propre honneur en fréquentant des hypocrites et les gens du mal? Certes non. Non, car Allah vous a fait aimer la foi et vous a fait haïr la mécréance, la déviance et la désobéissance. L'islam nous ordonne le bien et le bon comportement. Le Coran nous invite à nous accrocher à l'obéissance d'Allah et nous déconseille la division. Il nous met en garde contre les conséquences des disputes et de la discorde. La Sunna nous exhorte à l'entente. Elle nous déconseille la tricherie, le faux témoignage, la ruse, la traîtrise, l'usure, l'orgueil et l'hypocrisie. Le Coran et la Sunna sont deux océans desquels sortent des perles et du corail. Serviteurs d'Allah, méditez les enseignements de cette religion. Accrochez-vous au livre et à la sunna et faites-les aimer à vos enfants, filles et garçons. Protégez votre cher héritage et votre grande gloire. Ne vous corrompez pas en suivant les déviants et en les imitant. Écoutez la parole de votre Dieu, le Très-Haut, quand il dit « Y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien ?» Ar-Rahman 60. Cela veut dire qu'Allah récompense toujours le bien par le bien. Et vous, les savants musulmans, les savants de la religion, ces prédicateurs, ces écrivains et ces docteurs, vous assistez à la destruction de l'islam. Vous voyez ces ruines. Vous connaissez la société et les maux dont elle souffre. Et vous restez indifférent. Vous ne conseillez pas, vous n'expliquez pas et vous ne rappelez pas aux gens les recommandations de la religion. Dans un hadith, d'après Abu Dharr al-Ghifari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi bien avec les gens, rapporté par At-Tirmidhi. والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.